L'histoire de Guillaume Tell, qui a tiré une flèche dans une pomme, posée sur la tête de son fils, a eu lieu en 1307. Ce Tell a été l'un des trois libérateurs de la Suisse. La tradition populaire dit que dans une montagne sauvage, les quatre premiers cantons affranchis, autour du lac des Waldstell, Suisse, se trouve une grotte où sont endormis les trois libérateurs de la Suisse, que les habitants appellent les trois Tells. Leurs vêtements ne s'usent pas. Ils dorment pour revenir au secours de leur pays, lorsqu'il sera une seconde fois en danger. On dit aussi qu'il est très difficile de découvrir l'entrée de la grotte. Un jour qu'un berger recherchait une chèvre perdue à travers les rochers, il descendit dans une grotte et vit les trois Tells endormis. À son bruit, l'un d'eux se leva d'un coup et demanda « Quelle époque êtes-vous dans le monde ?»« Il est midi » répondit le berger, sans songer à ce qu'il disait. « En ce cas, il n'est pas encore temps pour nous de reparaître » dit-il, avant de se rendormir. Plus tard, alors que la Suisse se trouvait engagée dans une guerre plus difficile contre la République française, le fils de ce berger voulut réveiller les trois Tells, mais il lui fut impossible de retrouver la grotte.